Nous voulons que tu ne travailles plus, dit la baronne. En supposant que tu puisses gagner 40 sous par jour, les dimanches exceptés, cela fait 600 francs par an. Eh bien, à quelle somme montent tes économies ? 4 500 francs. Pauvre cousine, dit la baronne. Elle leva les yeux au ciel, tant elle se sentait attendrie en pensant à toutes les peines et aux privations que supposait cette somme, amassée en 30 ans. Lisbeth, qui se méprit au sens de cette exclamation, y vit le dédain moqueur de la parvenue, et sa haine acquit une dose formidable de fiel. Au moment même où sa cousine abandonnait toutes ses défiances envers le tyran de son enfance. « Nous augmenterons cette somme de 10 500 francs, » reprit Adeline. « Nous placerons le tout en ton nom comme usufruitière et au nom d'Hortense comme nue propriétaire. Tu posséderas ainsi 600 francs de rente. » Lisbeth parut être au comble du bonheur. Quand elle revint, son mouchoir sur les yeux, et occupée à étancher des larmes de joie, Hortense lui raconta toutes les faveurs qui pleuvaient sur Venceslas, le bien-aimé de toute la famille.